Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 21. Des effets de la bonté ou de la malice des actes humains. Que les idées de vertu et de vice, de louange et de blâme, de mérite et de démérite, s'attachent nécessairement aux actes humains. 1. L'acte humain offre-t-il l'idée de la droiture ou du péché, selon qu'il est bon ou mauvais? Nous l'avons reconnu, la bonté de l'acte humain dépend principalement de la loi éternelle, conséquemment, sa malice consiste à s'en écarter. C'est en cela que consiste le péché, car, selon la définition de saint Augustin, le péché est une parole, une action ou un désir contraire à la loi éternelle. Or, dans les actes volontaires, la règle prochaine est la raison humaine, et la règle suprême, la loi éternelle. Lors donc qu'une action est rapportée à une fin conformément à l'ordre voulu par la raison et par la loi éternelle, elle est droite, toutes les fois qu'elle s'écarte de cette double règle, elle devient péché. 2. L'acte humain est-il louable ou blâmable, selon qu'il est bon ou mauvais? Un acte ne mérite la louange ou le blâme que tant qu'il est imputable à son auteur, car louer ou blâmer n'est autre chose qu'imputer à quelqu'un la bonté ou la malice de ses actes. Les actes volontaires ou humains sont, conséquemment, les seuls qui soient susceptibles de louange ou de blâme. 3. L'acte humain, selon qu'il est bon ou mauvais, est-il méritoire ou déméritoire? L'acte humain, selon qu'il est bon ou mauvais, emporte mérite ou démérite, conformément à ses paroles d'Isaïe, 3:10, dit au juste qu'il a bien fait et qu'il recueillera le fruit de ses œuvres. Malheur à l'impie plongé dans le mal, il subira la peine de ses péchés. Tout homme vivant dans une société en est membre et partie, c'est pourquoi, lui faire du bien ou du mal, c'est en faire à la société elle-même, tout ainsi que quiconque blesse la main d'un homme blesse l'homme lui-même. Il s'ensuit que celui qui fait du bien ou du mal, à une personne vivant en société, acquiert un double mérite ou encourt un double démérite. Il lui est dû, en effet, une récompense ou une punition. D'abord, de la part de la personne favorisée ou blessée, et, ensuite, de la part de la société tout entière. Pour la même raison, faire du bien ou du mal à la société elle-même, c'est mériter une double rétribution ou une double punition, d'abord, de la société tout entière, et, en second lieu, de chaque membre de la société. Par une dernière conséquence, lorsqu'un individu se fait du bien ou du mal à lui-même, il lui est encore dû quelque chose, puisque, faisant partie d'une communauté, ce bien ou ce mal qu'il se fait rejaillit sur la communauté même. 4. L'acte humain est-il méritoire ou déméritoire devant Dieu, selon qu'il est bon ou mauvais? Dieu, dit l'écrivain sacré, soumet à son jugement tout ce qui se fait sur la terre, soit le bien, soit le mal. Ecclésiaste 12:14. Le jugement de Dieu implique une rétribution, or, la rétribution suppose mérite ou démérite. Par conséquent, tout acte humain, bon ou mauvais, est méritoire ou déméritoire devant Dieu. Nous disions tout à l'heure que nos actes méritent une rétribution ou un châtiment, tant de la part de celui auquel ils se rapportent que de la communauté dont il fait partie. Eh bien, ils sont méritoires ou déméritoires devant Dieu, de cette double manière. En effet, Dieu est notre fin dernière, et toutes nos actions doivent lui être rapportées, en faire de mauvaises, c'est ne pas honorer, comme nous le devons, notre fin dernière. Nos actes ont, en outre, une responsabilité vis-à-vis de la communauté universelle, et conséquemment encore devant Dieu, car, comme roi et comme gouverneur de l'univers, Dieu doit veiller au bien commun de tous les êtres, et particulièrement à celui de la créature raisonnable. C'est à lui, dès lors, qu'il appartient de récompenser le bien et de punir le mal dont la société est l'objet. Les actes humains emportent donc mérite ou démérite devant Dieu, sans quoi il faudrait dire qu'il n'en prendrait aucun soin. Note. Le bien et le mal, dira quelqu'un, ne causent aucun dommage ni aucun profit à Dieu, comme on le voit par ces paroles de Job. 35. Si vous péchez, quel dommage lui causerez-vous? Si vous suivez la justice, que lui apporterez-vous? Ne s'ensuit-il pas que les actes bons ou mauvais n'ont à ses yeux ni mérite, ni démérite? Point du tout, il est vrai que nos actes n'enlèvent rien à Dieu et ne lui donnent rien, absolument parlant, mais l'homme lui donne néanmoins ou lui ravit quelque chose, autant qu'il est en lui, en observant ou en violant l'ordre même que Dieu a établi. Quoi donc, direz-vous, l'homme, dans ses actes, est-il autre chose qu'un instrument de la puissance divine? Que peut mériter l'instrument vis-à-vis de celui qui le met en mouvement? L'homme est mû par Dieu comme un instrument, nous en convenons, mais il est mû de telle sorte qu'il se meut aussi lui-même par son libre arbitre, et voilà pourquoi ses actes ont un mérite ou un démérite devant Dieu. Peut-être insistera-t-on en disant que, si l'acte humain n'emporte mérite ou démérite que tant qu'il se rapporte à autrui, tous nos actes, ne se rapportant pas à Dieu, ne sont pas tous méritoires ou déméritoires à ses yeux. Nous répondons qu'en ce qui est de la société politique, à laquelle l'homme n'appartient pas par tout son être et par tous ses biens, il n'est pas nécessaire que tous ses actes soient réputés méritoires ou déméritoires, mais que, vis-à-vis de Dieu, à qui nous devons rapporter tout notre être, toutes nos facultés, tous nos biens, nos actes, bons ou mauvais, portent, selon que le permet leur nature, le caractère du mérite ou du démérite. Fin de la note. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.